Cet automobiliste commet une infraction. Il me dépasse sur cette route à double sens en franchissant une ligne continue. Inutile de me mettre en colère, de l'insulter et de klaxonner comme un enragé. Des voitures arrivent en face. Ma seule attitude doit être celle de la sécurité pour moi et pour lui. Dans cette situation, je n'ai qu'une solution, ralentir pour laisser un espace libre qui lui permettra de se rabattre. Réponse B.